22 avril 2023, tu fais quoi? Je te donne une idée. Radio Arc-en-Ciel organise son bal de la Révolution des œillets. Au 25 d'avril, au Cravo Vermelho, viens chercher le tien. À la salle de montition à Saint-Jean-de-Blanc, avec le grand Jorge Guerreiro. O rei do Barabarabere, vai malandra vai, vou alugar quarto e muitas outras. Mas sans oublier les Capanegra pour animer le bal jusqu'au petit matin. Venez nombreux, nouvel horaire, oui, c'est tout nouveau. Venez à partir de 20h, pourquoi? Eh bien, discutez, dégustez un service snacking sur place. Tu peux déguster ma bifane, moelas, planche à partager et plein d'autres choses. Mais surtout, des petites douceurs. Anda y traz un amigo le samedi 22 avril, le grand bal de la Révolution des œillets à la salle de mentition à Saint-Jean-de-Blanc. Une organisation Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. Journée à tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Rien que des bons souvenirs. Donc, bonjour à vous toutes. Voici donc les 13h passées de 30 minutes et retour avec l'émission comme tous les mardis. Et puis, c'est un nouveau mardi du mois. Et oui, nous sommes déjà le mois d'avril. Déjà, eh bien, ça passe très très vite les jours, le mois, tout simplement. Voilà donc aussi, j'espère que vous avez passé tout simplement un bon week-end et puis ainsi un très bon début de semaine. Voilà donc, et bien sans plus tarder, et bien je vais vous laisser du côté de la chanson. Voici donc le premier, elle s'appelle tout simplement Christine Rock avec le premier frisson d'amour. Et puis juste après, Daniel Balawan. Balawan avec le fils, tout simplement Bataille. Avant

Oh, no, Nikita. Voici donc Kimaïs avec tout simplement Yukem, et puis juste après on écoutera un morceau tout simplement de country accordéon de Pierre Péribois, et puis un petit coucou à Chantal.

ça fait toujours deux. De plus de ça fait tout ce qu'on veut. C'est comme les coups de Brahim Maslow. Toi plus moi ça fait bon bon bon. Pas la peine d'aller cavaler. Y'a que ça qui me fait voyager. Pas les cocotiers de Toulon. Quand toi et moi on fait bon bon bon. Et tous les bourgeois du 16e se demandent pourquoi je t'aime. Pour le voir pas besoin d'un son. Quand toi et moi on fait bon bon bon. C'est comme ça c'est pas. Thank you. titre J'aime la vie. Je suis Voici donc deux chansons portugaises. On se retrouve juste après. Mexe, mexe, português, anda embora a tristeza. Toda a gente vai dançar. Eu

silence, tendre de confiance, des amoureux de la vie. C'est encore la même chanson. De disco et puis juste après élégance, vacances, j'oublie tout. Quand j'ai beau un Joe Margain, ma mère pour que j'arrête tes brères, elle me dit où vient d'un mes bras, que je te tente donc un petit d'air avec un bout de chiquet de rein ou un bout de gâteau battu. Je me calme immédiatement, ou mère met ton cul un fume. Mais je suis un Joe Picard. Je suis né en Picardie, j'ai le plus bel au déparlage, j'ai ma langue et j'ai ma vue. Un grandissant près d'Abbeville, j'ai appris à bien comprendre, tous ces gens qui sont d'Elleville, ils n'ont rien de plus à m'apprendre. Je sers à rien de mettre tel brin, pour Tartous, y'a del Bernoul, on n'est déjà pas des quins, et puis car j'ai pas un indoule. Mais je suis un Tchopicard. Je suis né en Picardie, j'ai le plus bel au déparlage, j'ai ma langue et j'ai ma vie. Nous autres on aime bien fêter, on muche bouteille pour personne, si tu veux prends un godet, vise même bout pour pas que t'es drone. Qu'on soit noyon ou corbille, on est tous de la même terre, j'ai la note comme je vous dis, alors quand t'es avec moi. Mais je suis un Tchopicard. Je suis né en Picardie, j'ai le plus bel au déparlage, chez ma langue et chez ma vie. Dans nos pays il fait bio, dans les cœurs de nos enfants, et même quand ils rachent des lios, toujours un des freins de comptin. On dit ce qu'on a chez nous, jamais personne y s'en plaint. On dit bonjour à terre douce, tiens la m'tiète, n'a qu'il y vient. Déjà je suis un Tchopicard. Je suis né en Picardie, j'ai le plus bel au déparlage, chez ma langue et chez ma vie. Le matin on ouvre le courrier pour veiller toutes ces nouvelles, et à toucher j'en qu'on connaît, ça nous fait dire la vie belle. Il y a aussi malheureusement tous ces amis qui sont morts, on ravise donc chez des fins pour dire notre peine à leur porte. Mais j'en suis à Tchopicard. Je suis né en Picardie, j'ai le plus bel au déparlage, chez ma langue et chez ma vie. Je ne veux pas bouger d'ici, je veux rester à nos maisons. On est bas en Picardie, j'ai ma tout dernier sermon. Quand je la quitte ma Picardie, pour m'en aller par chaque main, je vois des gens, des fois je leur dis, je t'arconne au titre des mains coins. Mais je suis à Tchopicard. Je suis né en Picardie, j'ai le plus bel au déparlage, chez ma langue et chez ma vie. Mais je suis un Tchopicard. Je suis né en Picardie, j'ai le plus bel au déparlage, chez ma langue et chez ma vie. Arc-en-ciel. J'ai la montre dans la tête, je n'ai pas l'heure qu'il est. Le téléphone a sonné, je me suis pas réveillé. Direction la salle de bain, je me fais couler un bain en regardant le miroir. On voit avoir mon regard sur l'horaire. Besoin de se presser, radio libre allumée. Stop, pas de publicité. Les chansons bien connues, c'est le tout de l'été. Le fait de la vie. Je commence à ranger, car ce soir terminé. Je serai sur la route avec 10 députés. Je suis pas seul à rêver du chef des palmiers. Et des jours sans problème, c'est la vie que j'aime. À midi, plus de temps, plus d'horaire, les vacances c'est super. Allongé sur le sable, bercé par les vagues, petit corps bronzé, des vêtements de moitié, à la pluie du soleil, sous ton chapeau de paille, tu te fous du regard qui se pose sur toi. Je m'approche près d'elle, je sens qu'il m'aider. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Rien de possible, me dit, petite boîte de nuit, sur les champs pégétiques, ambiance pour les trucs sur la nuit. Avec là, Luana, et puis juste après Pinlon avec le titre Dream. Vamos a la playa. You're my Voici le groupe Imagination avec Music on Light. Suède. Voici donc les émissions pour en soirée ainsi que pour demain, mercredi. Voilà donc à partir de 19h jusqu'à 21h, et bien vous allez retrouver Christophe avec l'émission Electric Choc. Puis ainsi demain, ben vous allez retrouver tout simplement à partir de 9h avec Victor pour l'émission Portugal en fait. À partir de 9h jusqu'à midi. Juste après Gloria pour l'émission de la musique de Gloria entre 14h jusqu'à 16h et puis entre 16h jusqu'à 17h avec Zik d'ailleurs. Juste après Violette pour l'émission traditionnelle entre 18h et 19h30 et puis juste après entre 19h30 jusqu'à 21h avec Christina avec pour fleurs de fourrure. Et puis donc ainsi, jeudi matin, toujours à partir de 9h jusqu'à midi, vous allez retrouver Amer Giro pour l'émission Vase de Portugal entre 9h jusqu'à midi. Voilà donc, je vous souhaite de passer bon après-midi à ma compagnie pour l'émission de toutes les générations. Voilà, on va continuer pour tout simplement, et eh bien Véro, voici donc Véronique, on écoutera tout à l'heure. Voici donc Céline Dion avec d'amitié et d'amour, et puis juste après, Goldman, là-bas. Mais avant, on écoutera tout simplement un remix 80. Yeah. their death control. Kept drinking vodka, never ignored. Ruling stairs down to one. He never gave up his own thing. Ruling Russia, gave him a gig. Although he's bloody dead and drunk, he still tells the story of Genghis Khan. Il me vient me parler des choses qu'il a vues, du chemin qu'il a.

C'est du country. Step right up, come on in. If you'd like to take the grand tour of the lonely house that once was home, sweet home. I have nothing here to sell you, just some things that I will tell you. Some things I know will chill you to the bone. Over there sits the chair where she'd bring the bed where we lay in love together, and Lord knows we had a good thing going here. See her picture on the table. Don't it look like her rings, all her things, and her clothes are in the closet like she left them when she tore my world apart. As you leave, you'll see the nursery. Voici Andalouse avec Kenji Girac. Tu viens le soir danser sur des airs de guitare, et puis tu bouges tes cheveux noirs, tes lèvres rouges, je te balance.

qui s'appelle Willie Williams avec Les Tournées. Voici donc le magazine 60 avec Don Quichotte. Thank you. la discothèque. Quand j'arrive là, je fonce direct, enfermé dans ma boule de verre. Mais de platine, mes deux amplis sont déjà prêts à fonctionner. Que je mets en place, ça y est, je suis prêt à commencer. Les gens qui rentrent et se bousculent, tout le monde a envie de danser. Le premier disque, c'est Billie Jean, je le mixe avec P.J. Byrne. C'est la folie, il y a de l'ambiance, voilà déjà le disque samba. I like to dance, I want to dance with you. J'envoie police et un remix, le meilleur de la dance music. Les scènes s'échangent, dit Peter Brown, me font penser que c'est déjà l'heure de mettre un saut pour les dragueurs qui attendent là tout seul le bar. Avec Tonight.

Tout simplement cargo. Quand un jour sans voir la terre, Voici donc, bien, je vous l'amène du côté de Las Vegas avec Joker et puis du côté de Latinos. Sur le t-shirt, normal que les billets pleuvent, je suis dans le strip. Si tu veux un cocktail, une bouteille de Bel Air, manger un steak frites, j'appelle le room service. Je veux sentir ton victorien secret dans ton string calvi, sous ton jean Levi's. Ta vie est sombre, tu sais que le négro vient du fond. Entre chaque transaction, j'écris des chansons. Contre moi, mes ennemis conspirent, ton corps m'inspire, mais ta valise on se tire.

Donc, Mickaël, avec le titre « Accroche tes rêves à une étoile ». On est comme de voir des lagons fleurir l'horizon quand l'avion décolle. L'émission avec le titre Looking for Freedom de David Hasselhoff va se terminer, bien sûr, cette émission. Voilà donc, et bien, l'émission touche à sa fin. Voilà donc, et bien, j'espère que vous avez passé une bonne après-midi à ma compagnie. On se retrouve donc mardi prochain, suivi de vendredi et ainsi de dimanche à même heure à partir de 13h30. Voilà donc, et bien, je vous dis bon temps d'aussi à vous toutes. Samedi 22 avril 2023, tu fais quoi? Je te donne une idée. Radio Arc-en-Ciel organise son bal de la Révolution des œillets. Au 25 d'avril, au Cravo Vermelho. Viens chercher le tien. À la salle de Montition à Saint-Jean-de-Blanc, avec le grand Jorge Guerreiro, o rei do Barabarabere. Vai, malandra, vai. Vou alugar quarto e muitas outras. Mas sans oublier les Capanegras, pour animer le bal jusqu'au petit matin. Venez nombreux,

Calinette Nettoyage, 117 route nationale 45 140 Ingré, 02 38 22 08 57. Mail accueil@calinette.fr. Calinette Nettoyage est une entreprise reconnue dans le département du Loiret pour son savoir-faire et son professionnalisme. Calinette Nettoyage, votre expert en nettoyage près d'Orléans. Remise en état, avant travaux ou suite à un sinistre, entretien d'espaces verts, le nettoyage de vos parcs et jardins. Des solutions performantes et adaptées à chacun de vos besoins. Calinette Nettoyage. First time women. São 4 horas em Portugal Continental e na Madeira, 3 nos Açores. Ainda destaque nesta edição. O secretário-geral da NATO diz que a partir de agora a Finlândia está verdadeiramente segura. O país fala num dia histórico. António Pires de Lima considera que é altamente improvável ter sido enganado na compra de aviões na TAP. O antigo ministro da Economia está a ser ouvido no Parlamento, onde já acusou o governo de José Sócrates de ter feito um negócio ruinoso para a empresa. Fernando Araújo admite que a saúde mental em Portugal está extremamente esgotada. Previsão para amanhã de um dia de sol com a maior nebulosidade no norte. Serão nuvens altas e deverão surgir a partir da tarde. Pode contar com uma pequena descida da temperatura mínima, em especial nas regiões do interior norte e centro, e subida da máxima no Baixo Alentejo e no Algarve. Madeira com chuva a norte e nas zonas mais altas até ao final da manhã, ainda assim com subida da temperatura máxima. Açores com misto de sol e nuvens e com alguma chuva fraca à mistura. Nesta altura, em Ponta Delgada estão 16 graus, 19 em Faro, 20 no Porto, 21 no Conchal e 23 em Lisboa. As notícias às 4, a edição é de Ana Sofia Freitas.